franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Ce soir, notre voyage dans l'histoire va nous porter dans l'Angleterre des années 1920 en compagnie d'Agatha Christie. Une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Elisabeth Collet. 1926, George V est roi du Royaume-Uni et empereur des Indes. Depuis la guerre de 14-18, l'empire de sa gracieuse majesté n'a jamais été aussi vaste. Et au gouvernement, les conservateurs veillent au grain. La suprématie britannique donne bien quelques signes de faiblesse. La Grande Dépression l'a frappé de plein fouet et la grève générale des mineurs a révélé la misère de la condition ouvrière. Mais ces tumultes ne sauraient en aucun cas venir perturber les habitants de Sunningdale, un village du Berkshire, à une vingtaine de miles à l'ouest de Londres. De belles demeures entourées de vastes jardins, un golf célèbre, une église, des salons de thé, on n'est pas loin non plus du château de Windsor et de l'hippodrome d'Ascot. Une vraie carte postale de l'Angleterre cossue et tranquille. Tranquille, peut-être pas tant que ça. Car, comme dans tout bon roman policier qui se respecte, ce cadre aux apparences trompeuses va être le décor d'une mystérieuse disparition. Celle non pas d'un personnage de roman, mais d'Agatha Christie elle-même. C'est vrai, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bonsoir François Rivière. Bonsoir. Alors vous êtes romancier, critique littéraire, biographe, scénariste de bande dessinée et j'en passe. Et vous êtes aussi un grand amoureux d'Agatha Christie, une femme, un auteur à laquelle vous avez consacré déjà plusieurs livres, même des BD. Et c'est une passion dans laquelle vous êtes tombé enfant et qui ne vous a plus quitté. Oui, ça m'est tombé dessus, si je puis dire, quand j'avais 9 ans. Une amie de ma mère m'a fait lire mon premier Hercule Poirot. Et j'ai trouvé que le personnage était très drôle, beaucoup plus drôle pour moi, en tout cas, que Sherlock Holmes, dont je connaissais déjà quelques aventures. Et puis, quelques années plus tard, je suis tombé aussi dans la bibliothèque de ma grand-mère, cette fois, sur un livre-club qui était illustré de photographies d'Agatha Christie autour des années 60. Et elle ressemble justement furieusement à ma grand-mère. Donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'une vieille dame comme ça, parce que ma grand-mère pour moi était d'âge canonique à ce moment-là. Vous ne collectionnez pas les photos de Marilyn Monroe, mais les photos d'Agatha Christie. Oui, absolument. J'étais un pervers absolu. Et je me suis vraiment demandé pourquoi un personnage comme ça qui me semblait tellement popote, tellement banal, enfin pas banal, mais en même temps tellement familière comme ça, comme un gros chat tigré qui posait sur un fauteuil. Pouvait écrire des choses aussi terrifiantes au fond. Et comment aussi, une grand-mère peut-elle être terrifiante ? Voilà. Et donc, ce soir, c'est de la disparition d'Agatha Christie, en 1926, que nous allons parler. Une disparition sur laquelle on a beaucoup glosé, beaucoup discuté, mais qui garde encore, aujourd'hui, ses parts d'ombre. Agatha Christie, en fait, était une sacrée maligne. Oui, alors, cette histoire qui est un fait divers, qui a, bouleversé, en tout cas, qui a été comme un coup de tonnerre dans l'Angleterre paisible de la Noël 1926 et dont tous les journaux, toute la presse de l'époque s'est emparée, cette histoire qui a rendu célèbre Agatha Christie, mais là un peu à ses dépens si on peut dire, a amené au fil des années énormément d'hypothèses, certaines assez saugrenues comme celle d'un film de 1979 dans lequel on imaginait que ne supportant pas que son mari est une maîtresse, Agatha Christie était partie, comme ça a été le cas réellement, dans une ville de cure du Yorkshire pour y emmenant, on ne sait pas comment, la maîtresse en question pour la faire bouillir dans une baignoire, dans les bains, dans les thermes. Enfin bref, tout ça, bon, plus beaucoup d'idées. Je sais pas, dans un épisode de Doctor Who, on imagine Agatha Christie qui vient de disparaître, poursuivie par une guêpe géante. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, elle a suscité beaucoup d'imagination. Ouais, il se trouve que moi, j'ai connu la fille de la meilleure amie d'Agatha Christie qui m'a raconté, enfin qui m'a dévoilé un peu le pot aux roses, si on peut dire. Vous me direz ça tout à l'heure, hein, quand même, pas vous le dévoiler tout de suite. Bon, avant que justement que nous écoutions cette fiction qu'on va entendre là, pouvez-vous nous dire, François Rivière, qui était Agatha Christie en 1926, au moment où va commencer cette histoire ? En 1926, elle a 36 ans. Elle est une romancière acharnée à produire. Elle n'arrête pas d'écrire des romans, des nouvelles, beaucoup de nouvelles. Et elle vient de sortir Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est considéré par beaucoup de gens, enfin beaucoup de critiques, de spécialistes et pas mal de ses confrères ou consoeurs, comme une trahison. Parce qu'on n'écrit pas un roman dans lequel, je vais pas le dire, mais dans lequel un personnage qui normalement ne doit pas être soupçonné se révèle être le coupable. Ouais, elle a été défendue. Génie, hein. Oui, elle a été défendue par une amie et consoeur justement, Dorothy Sayers, qui a mené l'enquête d'ailleurs un peu plus tard sur la disparition, enfin sur la disparue. Et mais ce livre a fait sensation, mais peut-être surtout après ou pendant la disparition. Donc c'est vraiment un livre qui est le cinquième roman, je crois, d'Agatha Christie. Qui fait d'elle enfin un auteur dont le nom va devenir célèbre. Oui, elle est quand même à ce moment-là déjà une auteure célèbre. Elle n'est pas tout à fait, mais elle va le devenir à cause de ça en fait. Donc François Rivière, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter le récit de cette étonnante disparition librement adaptée par l'auteur, Le secret d'Agatha Christie d'Armelle Robert, réalisation Étienne Vallès. Le 4 décembre 1926. Ce jour-là, au Royaume-Uni, un personnage célèbre disparaît dans des conditions particulièrement mystérieuses. Il s'agit d'Agatha Christie, l'écrivain, celle qu'on appellera plus tard la reine du crime. Elle a alors 36 ans. Au petit matin, un jeune gitan a retrouvé sa voiture, abandonnée en pleine campagne, à proximité d'un lac au nom prémonitoire, le lac du silence. La voiture a dévalé une pente et buté contre un arbre. Les feux sont encore allumés. À l'intérieur, encore plus étrange, on retrouve le manteau de fourrure de la jeune femme, son sac à main et ses papiers. Mais aucune trace d'elle. Qu'est-il arrivé ? Accident ? Suicide ? Kidnapping ? Noyade ? Le commandant Hawkins de Scotland Yard est chargé de l'enquête. Et comme à chaque fois qu'il s'agit d'une affaire sensible, Hawkins me demande de venir lui donner un coup de main. Je ne suis pas flic pourtant, je suis journaliste. Mais j'ai raté ma vocation car moi ce que j'aime ce sont les enquêtes criminelles. Et puis, Hawkins dit qu'avec mon carnet d'adresses je peux avoir accès à des informations très personnelles, disons. En ça, il n'a pas tout à fait tort. Tout laisse penser à un suicide. Le mari d'Agatha, Archibald Christie, militaire et héros de la guerre de 14-18, penche aussi pour cette hypothèse. Votre femme n'allait pas bien ces derniers temps, Mr. Christie ? Non, du tout. Il y a quelques mois, Agatha a perdu sa mère qu'elle adorait et depuis, elle n'arrivait pas à se remettre de ce drame. C'était trop dur pour elle. Elle ne dormait plus, elle mangeait à peine. Je ne savais plus quoi faire. Mais hier, précisément ? Il s'est passé quelque chose de spécial ? Non, je ne vois pas. Enfin, si, mais c'est seulement un détail. J'adore les détails. Il y a un mois environ, j'ai supplié Agatha d'arrêter de porter le deuil. Je n'en pouvais plus de la voir toujours en noir. Et puis, je me disais que ça allait lui faire du bien de reporter des couleurs. Quel rapport avec hier ? Elle a accepté ma demande. Elle s'est rhabillée normalement, des robes colorées. J'étais soulagé. Je me suis dit qu'elle remontait enfin la pente. Et puis hier, quand elle est descendue pour le petit déjeuner, elle était à nouveau tout en noir. Vous lui avez demandé pourquoi ? Oui, bien sûr. Elle a fait la surprise. Elle a dit qu'elle avait dû confondre avec sa robe bleu marine. Puis elle a ajouté que ça n'avait pas beaucoup d'importance de toute façon. Je suis très inquiet, commandant. Il faut la retrouver. Sauf qu'on a beau chercher, il n'y a de corps nulle part. Et puis le suicide, je n'y crois pas. Franchement, est-ce qu'en plein hiver, une femme prendrait le soin d'enlever son vison pour se suicider ? N'importe quoi. Pourquoi pas se démaquiller avant de se passer la corde au cou pendant qu'on y est ? Mais, bonne nouvelle, il se trouve que Jane, la gouvernante d'Agatha, qui travaille dans leur maison, a eu il y a peu une petite aventure avec Fred. Le commandant Hawkins presse le journaliste d'aller la voir. Avec lui, elle sera plus en confiance qu'avec un policier. Fred Lane se rend donc dans le Devon, au sud-ouest de Londres, et se retrouve devant cette demeure de style géorgien, magnifique et imposante bâtisse. Il demande à la domestique, qui lui ouvre, de faire appeler la gouvernante. Ma chère Jane, comme je suis heureux de vous retrouver. Oh Fred, moi aussi. C'est tellement affreux ce qui nous arrive ici. Je suis là, Jane. J'aide le commandant Hawkins. On fait tout pour retrouver Agatha Christie. Soyez-en sûrs. Madame n'a pas pu disparaître comme ça. J'y crois pas un instant. La curiosité de Fred est piquée au vif. Ah bon? Et que croyez-vous? Oh Fred, monsieur et madame se sont disputés violemment hier soir. C'est très fréquent d'ailleurs. Du coup, monsieur est reparti sans même avoir dîné. Vous savez qu'ils vivent quasiment séparés depuis des mois. Ah bon? Pourtant, Mr. Christie a l'air très affecté. Très inquiet même. Pff, comédie. Monsieur est odieux avec madame. Par exemple, il ne se cache même pas pour lui dire qu'il n'éprouve aucune compassion pour elle, alors qu'elle a perdu sa chère maman il y a peu. Vous vous rendez compte? C'est vrai que c'est le comportement d'un goujat. Il aime ni les mauvaises nouvelles, ni les gens malheureux. Il les fuit comme la peste. Vous voyez le genre de bonhomme. Effectivement, ce n'est pas l'impression qu'il a voulu nous donner. Et, ma chère Jane, pouvez-vous me dire ce qu'a fait Agatha Christie hier soir? Vers 22h, elle m'a prévenu qu'elle sortait faire un tour. Elle est montée en embrasser Rosalind, sa fille de 7 ans que j'étais en train de coucher, et elle est partie. Ça lui arrivait régulièrement de faire un tour après le dîner, je ne me suis pas inquiétée. Mais là, j'avoue que oui, je suis très inquiète s'il était arrivé malheur à madame. Oh mon Dieu. Venez dans mes bras, Jane. Voilà. Je vous promets qu'on va faire le maximum. C'est bon de vous retrouver, Fred. Vous m'avez manqué. Vous êtes toujours dans la chambre du deuxième étage? Celle avec de la glycine à la fenêtre? Oui. Et l'échelle est toujours dans la grange. Vous êtes une coquine, mademoiselle Jane. La faute à qui? Au vu de ces nouveaux éléments, Archibald devient un suspect. Reste à savoir où il était la nuit dernière et si son alibi est solide. Le commandant Hawkins le convoque aussitôt. Monsieur Christie, où étiez-vous hier soir après 22h? Comment ça? Vous ne me suspectez pas, j'espère. Je suis le mari, quand même. Justement, où étiez-vous? Au pub. Seul. C'est encore permis de boire une pinte après une journée de travail, non? Quel pub? Je ne sais plus. Le Harris Pub. Le policier y envoie immédiatement un de ses hommes avec une photo de Mr. Christie. Pas de chance, ni le patron, ni les serveurs ne l'ont vu la veille au soir. Archibald Christie a donc menti. Il est suspecté du meurtre de sa femme et il va être mis en garde à vue. Terrorisé à l'idée que sa réputation soit ainsi salie, Archibald avoue. Écoutez, en fait j'étais chez une amie, mais je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Son nom? Ça m'ennuie, c'est... Son nom ou je préviens immédiatement la presse? C'est Miss Neal. Teresa Neal. Et c'est qui par rapport à vous? Une amie. Une amie ou une bonne amie? Oui, c'est ma maîtresse. Voilà, vous êtes content? Ah, eh bien voilà un joli mobile. Un peu classique, certes, mais toujours efficace. Oui, j'ai une maîtresse. Oui, ma femme le savait. Oui, je me suis disputé hier soir avec elle à ce propos. Et en aucun cas, ça ne fait de moi un assassin. L'adresse de Miss Neal, s'il vous plaît. Archibald Christie n'a pas le choix. Il écrit l'adresse de sa maîtresse sur le bloc-notes que lui tend Hawkins. Je vous demanderai juste de garder la plus grande discrétion. Ça, je ne peux rien vous promettre. Ma priorité, c'est la disparition de votre femme, pas vos histoires de cœur. Je m'étonne qu'il n'en soit pas de même pour vous. Archibald Christie est mouché. On le laisse cependant partir en attendant d'avoir interrogé cette Miss Neal. Le commandant Hawkins demande instamment à Fred de l'accompagner. Il sait mieux y faire avec les femmes que lui. Il se rend dans le quartier de Notting Hill, adorable avec ses petites maisons de toutes les couleurs. Celle de Teresa Neal est jaune. À peine ont-ils sonné que Teresa ouvre. En découvrant Miss Neal, je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement pensé à un bonbon. Elle a 20 ans de moins que son amant, toute fraîche, toute mignonne dans sa petite nuisette rose à froufrous. Elle est bien coiffée, déjà maquillée, parfumée, et elle ne semble pas avoir froid aux yeux. Oh, excusez-moi de m'attendre. J'attendais quelqu'un d'autre. Je me présente, commandant Hawkins de Scotland Yard, et Fred Lane, mon adjoint. Scotland Yard? Mais que se passe-t-il? Pouvons-nous entrer un instant, mademoiselle? Oui. Faites pas attention au bazar. Sa maison est la garçonnière parfaite. Cosy. Charmante, des rideaux qui tamisent la lumière, des coussins fleuris à profusion, un sofa délicieusement accueillant. Voilà, une bonbonnière dont Miss Neal semble être le plus sucré des bonbons. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez hier entre 22h et 6h du matin, chère Miss Neal? J'étais ici, chez moi. Où voulez-vous que je sois? Seule? Non, mais ça, c'est ma vie privée. C'est très important pour nous de savoir avec qui précisément vous étiez. Et pourquoi? Parce que, selon votre réponse, un homme ira en prison ou pas. Bon, d'accord. J'étais avec un homme. Mais il est marié et sa femme n'est pas des plus commodes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je tiens pas à ce que ça se sache. Le nom de cet homme? Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Il est marié, il se cache pour venir me voir. Vous préférez peut-être qu'on en parle dans les locaux de Scotland Yard? Et que je vous mette en garde à vue pour entraver la progression de l'enquête? Oh là là, tout de suite les grands mots. Je vous assure, Miss Neal, vous avez tout intérêt à nous parler maintenant. Ok, ok. J'étais avec Archibald Christie. Et vous le dites à personne, hein? Sa femme le tuerait et moi avec, si ça se trouve. À quelle heure est-il arrivé? Je sais pas, moi. Il devait dîner avec sa femme et puis finalement, il ne l'a pas fait. Il devait être 21h30, un truc comme ça. Et il est resté combien de temps? Il n'est pas resté que pour le dîner, vous pensez bien. Quand Archie vient me voir, c'est pas pour mes talents de cuisinière. Décidément, sous ses airs psychorigides, cet Archie est bien surprenant. Ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre. Il faut dire que Miss Neal arriverait à émoustiller un champ de patates. Alors un homme... Il a dormi ici? Dormi? Oui. Il a dormi ici. Merci, Miss Neal. Merci de nous avoir reçus. Mais Archie n'a pas d'ennui, au moins. Non, trois fois rien. Il est juste suspecté du meurtre de sa femme. Oh, mon Dieu. Mais vous venez de le disculper. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr. Vous voulez d'autres détails qui prouvent qu'il était bien avec moi hier soir et cette nuit? Oh non. C'est déjà très fourni. Au revoir. Toute la presse s'empare alors de l'affaire, car la romancière est déjà connue. Elle a fait sensation en publiant 8 mois plus tôt le meurtre de Roger Ackroyd, son premier grand roman, avec son héros mythique, Hercule Poirot. Le Daily Mirror titre en une « Le mystère de la femme romancière disparue ». Mon propre journal, celui dans lequel je travaille depuis 7 ans, non, celui dans lequel je m'ennuie depuis 7 ans, offre plus de 2000 shillings à qui donnera des infos. Je les aurais bien donné, moi, mes informations, mais la prime ne marche pas pour les salariés du journal. Question de principe. Principe stupide, oui. Des dizaines de policiers et des bénévoles, on compte jusqu'à 15 000 personnes, ratissent les environs. Tous les étangs et lacs du coin sont dragués. Et pour la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni, des avions sont utilisés pour rechercher une personne disparue. Mais 8 jours après, force est de constater que l'enquête patauge dans les grandes largeurs. L'affaire prend des proportions telles que certains pensent même que des extraterrestres auraient pu enlever Agatha pour faire diverses expériences sur son cerveau. Comme quoi, il n'y a pas que les écrivains qui ont de l'imagination. C'est alors que le commandant Hawkins a une idée totalement saugrenue dont lui seul a le secret. Il demande à Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre écrivain, le père de Sherlock Holmes, de venir l'aider dans cette affaire. Sous prétexte qu'entre auteurs de romans policiers, ils devraient se comprendre. Sir Conan Doyle commence par refuser. Mais le commandant Hawkins insiste. Il lui fait envoyer une voiture et 3 quarts d'heure plus tard, le fameux écrivain est là. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y met aucune bonne volonté. Mais je n'ai pas le temps, commandant Hawkins. J'ai énormément de travail. Et puis je ne la connais pas, cette Agatha Christie. Que la police fasse son boulot, bon sang. Est-ce que je vous demande d'écrire mes livres, moi? L'homme se montre si désagréable que le commandant Hawkins finit par me faire un aveu. Mon petit Fred, je me demande si Conan Doyle n'aurait pas quelque chose à cacher. Quoi donc? Après tout, lui et Agatha Christie sont concurrents. Il a son Sherlock Holmes, elle a son Hercule Poirot, et Agatha Christie est en train de devenir célèbre. Vous voyez où je veux en venir? Ça me paraît un peu fou, mais quand cette tête de mule de Hawkins a une idée dans la tête, c'est même pas la peine d'essayer de lui faire changer d'avis. Vous pouvez me croire sur parole, ça fait des années que je le pratique. Effectivement, le chef de la police envoie aussitôt ses hommes enquêter sur ce fameux Conan Doyle. Et il apprend que le romancier a désespérément besoin d'argent pour financer sa maison. Ses romans policiers ne se vendent plus très bien. En plus, il ne veut plus entendre parler de Sherlock Holmes, pour la simple et bonne raison qu'il n'a plus d'inspiration. Et enfin, la cerise sur le gâteau, j'apprends par Martha, la secrétaire de Conan Doyle, une très chère amie, que l'écrivain est excessivement jaloux du succès d'Agatha Christie. Il dévore ses livres dès qu'ils sortent en librairie, et aussitôt après, il les balance de rage contre le mur de son bureau. Il a même déjà cassé deux cadres comme ça. Je vous l'avais dit que cet homme était louche. Et voyez-vous, Fred, je me suis mis à la place de ce Conan Doyle. Rappelez-vous, toujours se mettre à la place du coupable si on veut le comprendre. Eh bien, si j'étais Conan Doyle, j'enlèverais Agatha Christie et je la sommerais de renoncer à son Hercule Poirot afin que tous mes Sherlock Holmes se vendent mieux. Pourquoi l'enlever? Autant la tuer, c'est plus sûr. Là, je vous donnais la version légère. Mais le meurtre est une option, bien sûr. Le commandant Hawkins est si convaincu de ses conclusions qu'il se rend lui-même, avec son équipe, chez Sir Conan Doyle afin de l'arrêter. Ils sont reçus dans le bureau de l'écrivain, une pièce vaste mais très sombre, avec un petit bureau au milieu. Effectivement, on aperçoit la trace plus claire laissée par deux tableaux qui devaient être encore accrochés là il y a peu. Martha n'avait pas menti. Mais, sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. M'arrêter pour le meurtre ou le kidnapping d'Agatha Christie? Mais vous êtes devenu fou, commandant. Savez-vous à qui vous parlez? Un coupable, j'en ai bien peur. Certainement pas. Vous parlez à un chevalier du très vénérable Ordre de Saint-Jean. Cette distinction m'a été remise par le roi Édouard VII en 1902. Et je l'honore chaque jour par mon travail, mon honnêteté et ma loyauté envers la couronne. Et je peux vous dire que quand on porte un titre pareil, on est irréprochable. Si vous m'arrêtez, c'est notre roi Georges V en personne que j'appellerai. Et là, je ne donne pas cher de votre peau. Là, il faisait moins le malin, Hawkins. Tout commandant qu'il est, il se trouvait bien petit face à un homme distingué par le roi Édouard VII. Autant vous dire qu'il avait rangé ses menottes fissa. Et moi, je riais intérieurement de voir mon maître en criminologie se tenir presque courbé face à celui qui, une demi-heure plus tôt, était encore son coupable idéal. Devant toute son équipe, en plus. Heureusement pour lui, Sir Arthur Conan Doyle se montra très élégant afin qu'il puisse partir la tête haute. Mais voyez-vous, commandant Hawkins, pour vous prouver ma bonne foi, je vais vous aider dans votre enquête. Vous connaissez des éléments que j'ignore? Mieux que ça. Je peux savoir si Agatha Christie est morte ou vivante. Vous êtes devin maintenant. Je suis surtout un grand adepte du spiritisme. Ne me dites pas qu'on va faire tourner les tables. Faites-moi porter un gant de Madame Christie. Je vais le confier à l'un de mes amis qui est un célèbre médium. Et je peux vous garantir qu'il en ressortira quelque chose. Je ne crois pas beaucoup à ces choses-là. J'ai eu une formation scientifique et le spiritisme ne fait pas partie des sciences exactes, si je ne m'abuse. Je vous rappelle que je suis médecin avant d'être écrivain. Et c'est justement à cause ou grâce à ça que je m'intéresse au paranormal. Le commandant Hawkins hésite. Il regarde Conan Doyle bizarrement, se demande à quel genre d'espèce étrange il a affaire. Un silence s'ensuit. Hawkins réfléchit, puis lui répond. Soit. Vous aurez le gant dans la journée. À peine installé dans la voiture, le commandant Hawkins se défoule. Non, mais pour qui il se prend, ce Sir Conan Doyle à la noix? S'il croit que la distinction qu'il a reçue m'impressionne, il se met le doigt dans l'œil. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, il vous a quand même bien mouché avec son titre de chevalier du très vénérable Ordre de Saint-Jean. Pas du tout. Il a juste essayé de noyer le poisson et éviter que je ne l'arrête. Mais je le garde comme suspect. Et ce ne sont pas ces idées folles de spiritisme qui me feront changer d'avis. Et imaginons que son médium nous apporte des renseignements précieux pour l'enquête. Que ferez-vous? Le jour où les diseuses de Bonaventure résoudront des enquêtes criminelles, les poules auront des dents, vous pouvez me croire. Quelques jours plus tard, arrive la réponse du médium. Il est absolument formel. Agatha est vivante. elle sera retrouvée mercredi. Et là, le commandant Hawkins, il n'emmène pas large. Que doit-il faire ? Perdre la face en admettant que cette information est peut-être vraie ? Ou ne pas suivre cette piste au risque de rater une des plus belles affaires criminelles de sa carrière ? Tel que je le connais, il va s'en sortir par une pirouette. Bon, on va faire ce que j'avais prévu précédemment. Vous me faites paraître un avis de recherche avec la photo d'Agatha Christie dans tous les journaux du Royaume-Uni. Et vous mettez bien mon nom et le téléphone du commissariat. Vous croyez donc à la piste du médium, commandant ? Pas du tout. L'avis de recherche fait partie de la procédure normale en cas de disparition d'une personne. Allez, au boulot ! Le mardi soir, Hawkins commence à montrer des signes d'énervement. Et le mercredi matin, il est carrément sur les nerfs. Il envoie promener ses équipes, il tourne dans son bureau comme un lion en cage. Même Fred n'arrive pas à le dérider. C'est alors qu'un étrange appel arrive au commissariat. Commandant Hawkins, j'ai quelqu'un en ligne qui ne veut parler qu'à vous. Allons voir ça. Et là, le commandant Hawkins apprend d'un musicien, habitué à jouer du banjo le soir dans les palaces du Yorkshire, qu'il a reconnu Agatha Christie. Il a vu le journal du matin, l'avis de disparition, il est sûr de lui. Elle est au Swan Hotel, un très beau palace de la région. Le commandant Hawkins s'enquiert aussitôt de l'état de Mrs. Christie. Elle semble aller très bien. Hawkins lui demande de ne rien dire à personne. Il va se mettre en route immédiatement. À peine a-t-il raccroché que Fred, qui était resté suspendu à ses lèvres, le bombarde de questions. Alors c'est bon ? Où est-elle ? On l'a retrouvée ? Elle est vivante ? Oui, Dieu du ciel. Et on est mercredi. Madame Irma avait raison, on dirait. Comme quoi, le spiritisme, ça marche. Foutaise. C'est juste un concours de circonstances. Allez, en route. Il n'y a pas une minute à perdre, on a plus de 180 miles de route. On prévient le mari et Sir Arthur Conan Doyle, peut-être ? Le mari, oui. Quant à Conan Doyle, laissez-le donc dans ses boules de cristal. La route est longue et le commandant Hawkins n'arrive pas à savourer la conclusion magistrale de cette enquête. Sa joie est entachée par les prévisions du médium de Sir Conan Doyle. Mais plutôt mourir que de l'admettre. Quant à Archibald, le mari d'Agatha Christie, il affiche un regard neutre et sobre sur le fait qu'on ait enfin retrouvé sa femme. Pas une once de sourire, de soulagement, rien. Enfin, ils arrivent au palace, le Swan Hotel. La façade est recouverte de vignes vierges. L'entrée, qui marque une avancée sur le trottoir, est encadrée de deux magnifiques rhododendrons roses. Au centre, une porte à tambour. Archibald est consigné dans la voiture tant qu'on n'a pas mis la main sur sa femme. Le commandant Hawkins et Fred Lane se dispersent dans le palace, à la recherche d'Agatha bien sûr, mais aussi d'informations qu'ils comptent recueillir du personnel de l'hôtel. Ils se retrouvent au bout d'une quinzaine de minutes au bar du palace. Les murs, tapissés de magnifiques papiers peints, probablement trouvés à la Compagnie des Indes orientales, donnent au lieu une chaleur et un raffinement exotique. Un double scotch, s'il vous plaît. Prenez la même chose, plutôt une pinte, je vous prie. Le commandant et le journaliste vont s'asseoir dans deux gros Chesterfield au cuir patiné. Elle est bien là. Le concierge vient de me dire qu'on l'a loupée de peu. Elle vient de partir en balade. Et vous savez la meilleure ? Non. Elle s'est enregistrée ici sous le nom de Teresa Neal. La maîtresse de son mari ? Avouez qu'elle n'est pas rancunière. Ou alors elle a énormément d'humour. Et vous ? Du nouveau ? Alors, déjà, elle a pris une des plus belles suites, la suite Malaga au troisième étage, accessible avec l'ascenseur. Mais elle est venue seule. Une femme de chambre m'a dit qu'Agatha Christie semblait tout à fait normale, heureuse, joyeuse parfois même. On sait si quelqu'un est venu la rejoindre ? Personne. Mais elle bavarde volontiers avec les autres clients de l'hôtel. Elle chante, elle danse aux soirées dansantes, elle joue au billard, plutôt très bien, ce qu'on m'a dit. Elle fait des promenades, et elle a même lu les journaux qui parlaient de sa disparition. Et savez-vous comment elle est arrivée ici ? En voiture, en taxi, avec quelqu'un ? Le portier n'a rien vu. C'est vraiment une énigme, cette disparition. J'ai hâte qu'elle nous raconte comment elle a procédé. C'est alors que les regards de Hawkins et de Fred sont attirés par un léger brouhaha dehors. Par la fenêtre, ils ne voient que des petits-enfants jouant au cerceau. Ils sortent alors et découvrent une femme, cheveux courts, coiffée d'un chapeau cloche bleu ciel, entourée par des clients de l'hôtel. C'est Agatha Christie. À côté d'elle, Archibald Christie, son mari, qui est sorti de la voiture de police malgré l'interdiction du commandant Hawkins. Celui-ci est furieux. Mr. Christie, je vous avais dit de rester dans la voiture. Mais commandant, je l'ai vu qui s'apprêtait à rentrer. J'ai tout de suite voulu vers elle. Elle ne me reconnaît pas. Elle dit qu'elle ne s'appelle pas Agatha. Une des clientes de l'hôtel s'en mêle. Comme toutes les femmes présentes, elle aussi a les cheveux coupés courts, ornés d'un chapeau cloche. Et comme elles portent toutes des couleurs différentes, on croirait voir un bouquet bigarré de tulipes vivantes. Elle prie Archibald de laisser Mrs. Teresa Neal tranquille. À ces mots, Archibald Christie manque de s'étouffer. Fred Lane est même obligé de lui taper deux ou trois fois dans le dos pour faire passer cette quinte de toux. C'est fou comme le monde est petit, non? Vous pensiez avoir laissé Miss Neal à Londres, et hop! D'un coup de baguette magique, elle apparaît ici à plus de 300 km de là. Vous êtes un homme chanceux, Mr. Christie. Mais Mr. Christie n'est guère d'humeur à plaisanter. Il lance un regard noir à Fred Lane. Espèce de malotru, je vais vous réduire en miettes. Ça suffit, Monsieur Christie. Vous nous faites honte. Regardez immédiatement la voiture. Mr. Christie se voit obligé d'obéir au commandant. Le petit attroupement qui s'était créé autour d'Agatha semble soulagé. On entend ça et là des réflexions dans un petit brouhaha. Mais cet homme est fou. D'abord il s'en prend à Miss Neal et ensuite à ce monsieur. Il est dangereux, il n'a pas toute sa tête. Une des clientes, la tulipe rose, prend alors Agatha par le bras et se dirige doucement vers l'entrée de l'hôtel. Elle veut l'emmener prendre une tasse de thé, bien méritée selon elle. Ou peut-être même un petit brandy. Le commandant Hawkins sort alors sa plaque de police. « Je suis désolé, mais nous devons parler à Mrs. Neal. » Sous les regards éberlués des clients, Hawkins et Fred emmènent Agatha dans l'hôtel. Celle-ci ne dit rien, ne semble rien ressentir. Elle se laisse faire. Ils montent tous trois dans le petit ascenseur et entrent dans sa suite. Agatha les fait asseoir dans le petit salon comme si elle recevait une simple visite. Parfois même, elle sourit. « Mrs. Christie, êtes-vous consciente que la police vous recherche depuis plus de 12 jours ?»« Quelle idée stupide. Je suis là pour me reposer. Et je m'appelle Teresa Neal. » « Mais vous êtes mariée à Archibald Christie. » « Qui ça ? Jamais entendu ce nom-là. C'est qui ?»« L'homme en bas qui a voulu s'en prendre à moi. »« Cet homme-là ? Quelle horreur. Vous devez faire erreur, messieurs. » Hawkins et Fred s'échangent un regard ennuyé. Agatha Christie serait-elle devenue amnésique? Ils essaient encore quelques questions. Vous vous rappelez comment vous êtes arrivée ici? Bien sûr, quelle question, je ne suis pas folle. C'est un taxi qui m'a amenée de la gare. Pourquoi n'êtes-vous pas venue avec votre voiture? Déjà, je n'ai pas de voiture. Et de plus, je n'ai pas le permis. Ça fait de bonnes raisons, ne pensez-vous pas? Et votre manteau de vison? Je vois que vous ne le portez pas. Avec ce froid, il serait pourtant bienvenu, non? Mon manteau de vison, je déteste les fourrures. Et je n'ai aucun manteau de vison, quelle horreur. Hawkins et Fred sont bien ennuyés. Apparemment, Agatha Christie est bien amnésique. Ils vont devoir la ramener à Londres avec son mari et la faire examiner par un médecin. Quelques semaines plus tard, je suis retourné voir Jane, la gouvernante d'Agatha. J'étais surtout très curieux, je l'avoue, de savoir comment s'était passé son retour chez elle, car au final, cette disparition n'avait toujours pas d'explication. Et là, Jane me dit que dès le retour d'Agatha Christie, la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Son mari était de moins en moins là, et de son côté, Agatha n'a eu aucune perte de mémoire, pas d'amnésie, rien. Alors j'en conclus que dans la pire période de sa vie, Agatha Christie a imaginé la plus réussie de ses intrigues. Car aujourd'hui, le mystère demeure toujours. Et elle n'est jamais revenue sur cet épisode. Pourtant, des années plus tard, alors qu'Agatha Christie était déjà une vieille dame, une de ses amies a révélé au commandant Hawkins ce qu'elle lui aurait confié des années après. Les policiers ont été spécialement sots sur cette enquête. Car voyez-vous, il y avait une personne qui savait tout depuis le début. Une seule. C'est Rosalind, ma fille de 7 ans. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète, alors je lui avais bien expliqué que je m'absentais et où j'allais. Mais personne n'a pensé à l'interroger. Même dans mes romans, Hercule Poirot est plus méticuleux que ses policiers. En tout cas, j'ai passé quelques jours merveilleux. Et le fait d'avoir empoisonné la vie de mon mari a été un pur délice. Je regrette juste qu'il n'ait pas fait un peu de prison. Deux ans plus tard, Archibald et Agatha Christie divorçaient. Mais l'histoire ne dit pas si Archie s'est installé avec Miss Teresa Neal pour autant. Quant à Agatha, elle se remariera 4 ans plus tard avec un archéologue, ce qui l'amènera à beaucoup voyager au Moyen-Orient et ainsi à donner un nouveau cadre à plusieurs de ses romans. De même, ses mésaventures lors d'un voyage sur l'Orient Express lui inspireront le célèbre Crime de l'Orient Express. Agatha Christie, dont on fête cette année les 125 ans, est décédée en 1976 à l'âge de 86 ans. Une chose est certaine, le mystère de la romancière disparue a largement contribué à sa notoriété. La talentueuse écrivain a également inspiré de nombreuses vocations littéraires, notamment chez les femmes. On ne compte plus aujourd'hui les femmes auteurs de romans policiers. Et, comble de la consécration, Agatha Christie est toujours aujourd'hui l'auteure anglaise la plus lue après Shakespeare. C'était Le secret d'Agatha Christie d'Armel Robert avec Laurent Cléry, Fred Lane, Pierre Osseda, Hawkins, Marion Botelier, Agatha Christie, Jean-Pierre Moreux, Archibald Christie, Thibaut de Montalembert, Sir Arthur Conan Doyle, Sarah Le Picard, Jane, Maud Le Grévelec, Teresa Neal, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Éric Villenfin, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation Étienne Vallès. Dans un instant, nous essaierons, si c'est possible, d'en savoir plus sur l'étrange disparition d'Agatha Christie en 1926 avec mon invité François Rivière. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. For one, I'm sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. It's crystal clear. I wasn't here. I'm not a part of this. I've never been a part of this. Azaf Avidan, A Part of This, dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. En François Rivière, bon, je l'ai dit tout à l'heure, cette fiction est une adaptation très romancée de l'histoire de la disparition d'Agatha Christie en 1926. Dans la réalité, bien sûr, il n'y eut pas de Fred Lane, ni de commissaire Hawkins, ni de Jane. Sans doute Rosaline, la fille d'Agatha Christie, fille de 7 ans, n'était pas au courant de ce que ça fait sa mère. Mais quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction dans cette histoire ? Je crois qu'il y a surtout de la fiction à partir de faits réels, enfin la disparition en elle-même, le fait que la police ait mené l'enquête et soupçonné le mari d'avoir trucidé sa femme, après qu'on ait cru qu'elle s'était peut-être noyée dans l'étang, c'était pas un lac, un étang, le Silent Pool près de chez elle, en laissant sa voiture avec une mise en scène. Bon, mais en fait, moi, il se trouve que j'ai donc rencontré... j'ai connu Rosaline, ah oui, qui n'avait aucun souvenir de cette histoire, qui est morte il y a quelques années, et qui avait été tenue à l'écart de tout ça, enfin qui était restée dans la maison de Sunningdale en compagnie de Charlotte, la secrétaire d'Agatha Christie. Mais ce qui s'est passé, c'est que la meilleure amie d'Agatha venait de divorcer peu de temps avant, et toutes les deux, au fond, depuis que Agatha savait que son mari la trompait et que ça se passait très mal entre eux, elle a même jeté une taille en pleine figure un jour, enfin ça se passait très très très mal, elles ont comploté cette histoire, en fait. C'est-à-dire qu'Agatha Christie a disparu avec sa voiture, elle a abandonné sa voiture, a pris un train pour Londres, un train de nuit, est arrivée chez son amie, et toutes les deux sont parties faire des emplettes après pour que justement elle puisse s'habiller, etc., se munir de ce qu'il fallait de bagages pour partir, pour gagner la station thermale de Harrogate. Et à partir de là, donc pendant 10 jours, la presse qui s'était emparée de l'affaire a publié tous les jours, et ça pour moi c'est le plus grand mystère, la photo d'Agatha Christie. Mais soit la photo était très très mauvaise, soit les gens avaient des problèmes de vue dans cet hôtel. On a mis 10 jours avant de la reconnaître, avant qu'un musicien de l'orchestre de l'hôtel ne la reconnaisse. Ça c'est quelque chose d'assez étrange. Et donc, comme dans la pièce, enfin comme dans ce que je viens d'entendre, on a effectivement alerté la police de Londres, est arrivée. On a amené le mari qui a reconnu sa femme. Elle ne l'a pas reconnu, ou a prétendu ne pas le reconnaître, mais elle a tout de suite été, si je puis dire, embarquée par la famille chez sa sœur, qui avait épousé un garçon qui n'habitait pas très très loin de là. Mais la thèse de l'amnésie, c'est la thèse familiale. Elle-même on n'en a jamais parlé parce que ça ne tient pas debout, en fait, hein, très très franchement. Alors il y a eu d'autres hypothèses. On a pensé que peut-être elle avait vraiment organisé la chose, ce qui me semble être le cas, mais qu'en plus, elle avait prévenu son éditeur qu'elle partait 10 jours dans le Yorkshire. Donc, c'était tout ça. Il y a vraiment une espèce un ensemble de choses, au fond, comme dans les romans policiers, où on a plusieurs hypothèses, puis à la fin, on trouve le coupable, sauf que le coupable, c'est elle, quoi. Ouais. Pour vous, c'est clairement une mystification qu'elle a menée. Oui, elle a monté quelque chose. Oui. Effectivement, c'est une intrigue. Ça aurait pu être une intrigue de roman, sauf que finalement, ça se retourne contre elle, puisque quelques mois plus tard, son mari et elle ont finalement divorcé. Le mari a épousé sa maîtresse. Teresa Neal est devenue Madame Christie, numéro 2. Elle a vécu longtemps. Et quand Archibald Christie est mort d'un cancer en 1962, Agatha Christie a écrit une jolie lettre à sa veuve. Oui, parce qu'on avait aussi pensé qu'il s'agissait d'une dépression, comme Agatha Christie, en 1926, avait aussi perdu sa mère, ce qui est vrai. Oui, le fait qu'elle ait eu beaucoup de mal à surmonter le deuil de sa mère, ça est réel. Enfin, elle avait passé des mois, des semaines, ce qui a agacé beaucoup son mari, d'ailleurs, à fouiller dans les archives, dans la maison de famille qu'elle s'était pas décidée à vendre, etc. En fait, une des raisons pour lesquelles, non pas elle a disparu, mais pour lesquelles Archibald, lui, a voulu divorcer, c'est qu'elle vivait dans un autre monde. Elle n'arrêtait pas d'écrire, elle s'occupait pas de sa fille. Du coup, la fille, s'il avait dû être complice de quelqu'un, c'était plutôt de son père. Elle est plutôt restée amie avec son, si on peut dire, avec son père. Elle s'est réconciliée avec sa mère beaucoup plus tard, hein, parce que la mère l'a mis en pension. Enfin, ça n'a pas été non plus très rose pour cette pauvre Rosalind, qui à la fin de sa vie, quand je l'ai connue, parce que je l'ai fréquentée un peu, était en adoration devant sa mère. Mais enfin, ça avait été très dur pour elle. En quels termes parlait-elle de sa mère? Elle ne disait pas tout ce qui s'est passé. On l'apprenait. Moi, je l'ai su par la fille de sa meilleure amie, qui était également l'amie qui avait l'âge de Rosalind. Étrangement, Agatha avait pris sous son aile cette personne que j'ai rencontrée, la Judy Gardner, la fille de sa meilleure amie, alors qu'elle repoussait du pied sa propre fille. Une chose qui doit arriver quelquefois, effectivement, et elle s'est désintéressée complètement d'elle. Bon, elle en a fait presque une ennemie, mais elle avait un caractère très particulier. Elle a quand même consulté sa fille quand elle a épousé en seconde noce Max Mallowan, le jeune archéologue qui avait 15 ans de moins qu'elle, ce qui est pas rien. Bah, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Pourquoi pas? Non, j'ai l'air de dire ça d'un ton sévère, mais je suis quand même très tolérant. Il y a beaucoup d'hommes à qui ça arrive aussi. Oui, elle a fait un petit peu ce que font les hommes d'habitude, oui. Ça a été le second. Enfin, vous reconnaissez quand même à Agatha Christie, quand même, une sacrée imagination. Bon, on savait pour ses romans policiers, mais monter cette histoire, c'est quand même assez drôle. C'est plus que d'imagination. Quand on parle d'un sens de l'humour, c'est aussi un certain sens cynique, de la mise en scène. Elle a été assez audacieuse. Et je pense que ce complot qu'elle a ourdi avec sa meilleure amie, qui était très remontée comme elle, vis-à-vis des hommes, quoi. Parce que à ce moment-là, bon, les hommes étaient l'ennemi quand même. Qui ressemble à une intrigue de roman, c'est quand même quelque chose d'assez culotté, finalement. Et je vous dis, le mystère pour moi, c'est qu'on l'est pas reconnu. En général, c'est l'homme qui porte la culotte. Ah oui, mais les romancières et les anglaises. Et donc, elle monte ce numéro. On a aussi dit que Agatha Christie pouvait aussi vouloir monter un coup de pub pour parler d'elle. On a beaucoup dit ça, et on le dit encore. Enfin, des gens l'écrivent encore dans des histoires du roman policier. Alors, effectivement, puisque cette disparition a décuplé les ventes du dernier roman, et puis aussi celles des autres livres. Mais son roman suivant, qu'elle a eu un peu de mal à terminer, parce qu'elle était quand même un peu perturbée, c'est encore vendu un peu plus, et puis elle est devenue célèbre. Et vous pensez donc que cette histoire l'a rendue en célèbre, en dehors de ses romans? Elle est devenue célèbre. Elle est tellement devenue célèbre du jour au lendemain, ce qui arrive avec les faits divers, que sur les plages anglaises, l'été suivant, on chantait une chanson On a essayé de la retrouver, mais on l'a pas retrouvée. Qui disait « Ouais, passez Agatha Christie, Agatha Christie s'est perdue dans la barbe de mon grand-père. » Voilà. Et après ça, bon, mais là, un autre effet intéressant aussi pour elle, finalement, et qui est devenu une sorte de publicité, c'est qu'elle n'a jamais pu accepter d'interview, pratiquement, et ça l'a rendue très mystérieuse et très attirante, au fond, en tant qu'auteur. Je vous propose d'écouter la voix de la véritable Agatha Christie, interviewée à la BBC, c'était en 1962. Do you think The Mousetrap is the best play that's ever run in London, Mrs. Christie? Oh, I'd hardly say that. No, not by a long way. Why has it been so phenomenally successful, then? Well, there again, I don't know. People like it, but who can say why? Do you ever go to see it now yourself? Oh, yes, frequently. At least about 3 or 4 times a year. My baby just cares for me de Jack Harris et son orchestre. C'était donc juste avant la voix d'Agatha Christie interviewée en 1962 à l'occasion des 10 ans de la création de sa pièce La souricière de Mousetrap à Londres. Une pièce qui d'ailleurs n'a pas cessé d'être jouée à Londres. En 2012, on avait célébré la 25e représentation dans un théâtre du West End. C'est incroyable cette longévité, ce succès d'Agatha Christie, deuxième auteur la plus lue après Shakespeare, de langue anglaise. Elle est jouée, oui, depuis cette pièce, oui, qui est d'ailleurs pas sa meilleure pièce, elle en a écrit beaucoup d'autres hein, qui sont très très intéressantes. C'est devenu un peu le parcours obligé des touristes à Londres. Et on prétend que les chauffeurs de taxi, quand les gens ne leur donnent pas un pouvoir suffisant, hurlent le nom du coupable. Et pour vous, quel est le meilleur roman d'Agatha Christie, François Rivière? Bon, j'en aime beaucoup, mais c'est vrai que j'en ai un qui est un peu mon roman fétiche, c'est Meurtre en Mésopotamie, qui se passe dans un chantier de fouilles, comme elle les a connues avec son avec mari, son et mari, le lieu clos par excellence, mais qui est exotique et vraiment intéressant. Enfin. Dans la fiction, on parle de Conan Doyle, donc le père de Sherlock Holmes, un homme qui aurait eu un goût pour le paranormal. Évidemment, il n'était pas du tout accusé, il n'a pas du tout été soupçonné du meurtre d'Agatha Christie. Mais Agatha Christie, il était quand même jaloux d'elle. Parce que non, ça c'est invraisemblable, c'est totalement invraisemblable. Ses livres se vendaient par centaines de milliers à travers le monde au moment où elle a disparu. Il avait cessé d'écrire des romans policiers, il s'intéressait beaucoup à... il croyait un peu aux fées, il était spirite, il faisait des conférences, même à Paris, il venait faire des conférences sur le spiritisme. Et un peu de l'argent, beaucoup de l'argent qu'il gagnait à ce moment-là, il servait à publier des livres sur le sujet. Mais il s'est pas mal déconsidéré auprès de pas mal de gens à ce moment-là, parce qu'effectivement, les gens le prenaient pour un gentil rigolo. Mais non, il peut pas être jaloux, c'est totalement invraisemblable. Non, il n'y a pas question qu'il soit jaloux. Je crois qu'il avait vraiment, il avait laissé tomber complètement la fiction policière, il avait suffisamment... C'était quand même la relève. Oui, elle fait partie de ces auteurs qui ont commencé dans les années 20 qui font partie de vraiment de l'âge d'or, enfin des auteurs de l'âge d'or du roman d'énigme, notamment son ami Dorothy Sayers et plein d'autres, des écrivains, des hommes comme plein de gens qu'on a oublié hein, souvent, comme Anthony Berkeley, comme des gens comme ça, enfin qui sont pas vraiment tombés dans l'oubli aux yeux des amateurs, mais pour le grand public, alors qu'elle, elle triomphe, elle continue à triompher. Elle a suscité beaucoup de vocations. Elle a donné sûrement envie d'écrire à pas mal de gens qui se sont dit si je pouvais vendre autant de romans qu'elle. Je vous remercie beaucoup, François Rivière. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur Agatha Christie. Notamment, je citerai Agatha Christie, Duchesse de la Mort, qui est disponible en livre de poche. Et plus récemment, vous avez publié cette année une biographie de Chesterton, qui est un autre auteur anglais de romans policiers. Qui a écrit beaucoup de choses, de la philosophie, de la poésie et des romans policiers. Qui vivait à la fin du 19e siècle. Qui était un peu plus âgé qu'Agatha Christie, qui est mort en 1936 et qui avait été président du Detection Club, donc une association d'auteurs de romans policiers. Un club d'auteurs de romans policiers, ça doit être quelque chose. Et Agatha Christie lui a succédé en sa mort en 36. Eh bien, cette biographie, elle a été publiée chez Rivage. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Dans quelques minutes, après les infos, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, je vous proposerai une nouvelle fiction consacrée à un homme passionnant, Condorcet, savant du siècle des Lumières, un des esprits les plus brillants de son temps, partisan de l'abolition de l'esclavage et de la citoyenneté des femmes notamment. Cet homme épris de liberté et de justice va être emporté dans l'engrenage impitoyable de la terreur. C'était en 1793. Condorcet traqué, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire à 21h. Très bonne soirée à tous.